juillet 1798. Sous un soleil de plomb, le jeune général Bonaparte débarque en Égypte. Évidemment, le bonhomme n'a pas traversé la Méditerranée pour se la couler douce, au chaud sous les palmiers. Accompagné par 40 000 soldats et 170 scientifiques, il espère conquérir le pays, percer tous ses secrets et découvrir de somptueux trésors. Des statues, des sarcophages ou bien encore des momies de très grands pharaons. Très vite, la situation tourne vinaigre. Attaqués par les Anglais, les Français perdent tous leurs bateaux. Putain, ils sont faits comme des rats. Que faire? Coincés en Égypte, certains s'installent dans une très ancienne forteresse, près du delta du Nil, non loin de la ville de Rachid, que les Français appellent Rosette. Mais oh, zut! Le fort est en très mauvais état, il faut faire des travaux. Bon, allez, c'est parti. Les soldats creusent, ils déplacent des pierres. Quel boucan d'enfer! Soudain, au milieu de la poussière, le lieutenant Bouchard s'arrête. Il vient d'apercevoir une pierre étrange, un bloc noir d'environ un mètre, abîmé sur le côté droit. La face est recouverte de signes bizarres, des inscriptions visiblement en trois écritures différentes. Mon Dieu, mais qu'est-ce donc? Le lieutenant se penche. En bas, il distingue du grec ancien et tout en haut, de mystérieux symboles, des sortes de petits dessins qui représentent des objets, des animaux ou bien encore des humains. Paranubis. Oh oh, ce sont des hiéroglyphes! Nous sommes en juillet 1799. Immédiatement, la pierre est confiée à des savants de l'expédition. Vous lisez comme moi, professeur? Oui. Répond un fameux archéologue, les yeux tout pleins de feu. Il s'agit d'une décision officielle du pharaon Ptolémée V, qui date de 197 avant Jésus-Christ. Ces trois écritures disent peut-être la même chose. Avec un peu de chance, ce sont des traductions. Et le grec, contrairement aux hiéroglyphes, nous connaissons sa signification. C'est la clé. Cette pierre nous permettra de déchiffrer cette mystérieuse écriture dont nous avons perdu la signification depuis 1600 ans. L'excitation est à son comble. Pendant ce temps, la situation des Français vire à la catastrophe. Les Anglais gagnent la partie, ils récupèrent la pierre de Rosette comme trésor de guerre. Et c'est ainsi que la mystérieuse stèle prend la mer en direction de l'Angleterre. Très vite, elle devient extrêmement célèbre. Au même moment, dans le sud-ouest de la France, le petit Jean-François Champollion fait de la corde à sauter. Waouh! Quel sportif, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'exagère un peu, mais oh, là n'est pas la question. L'enfant, paraît-il, est du genre extraordinaire. Vif, intelligent, il s'intéresse à tout, particulièrement aux langues étrangères. À 12 ans, il traduit à la perfection le grec et le latin. À 13, il apprend tout seul l'arabe, l'hébreu et des langues extrêmement anciennes comme l'araméen et le copte. Pourquoi te parler tout à coup de ce jeune homme au teint frais et aux magnifiques cheveux bruns? Oui, c'est exact. L'homme qui arrivera à percer les secrets de l'écriture des pharaons, c'est lui. Es-tu prêt? Nous embarquons pour une folle aventure qui nous conduira au cœur du plus grand mystère de l'Égypte ancienne. Voici l'Odyssée de Jean-François Champollion, le génial déchiffreur des hiéroglyphes. Nous sommes en 1805. Champollion a 15 ans, Il vit dans la ville de Grenoble avec son grand frère, Jacques-Joseph. L'aîné s'occupe du cadet, il le surveille, comme le lait sur le feu. Dans le cerveau de cet enfant, ça bouillonne. Ce petit, c'est de la dynamite. À cette époque, l'Europe entière est prise d'une véritable égyptomania. Partout, on se passionne pour cette ancienne civilisation qui a laissé au monde les sphinx, les temples, les pyramides et cette bien mystérieuse écriture que personne pour l'instant n'arrive à comprendre. Jacques-Joseph suit la question de près. Un grand savant lui a d'ailleurs demandé d'écrire un article sur la fameuse pierre découverte dans la ville de Rosette. À ses côtés, Jean-François découvre l'Égypte de l'Antiquité. Il passe des heures à rêver, les yeux ouverts. Il aperçoit les felouks descendre le Nil. Il voit le dieu soleil Ré frapper le sol de ses puissants rayons. Il imagine les pyramides de Gizeh. Mais rien, absolument rien, ne l'éblouit autant que cette mystérieuse pierre de Rosette. Le jeune Champollion frissonne. Tout au fond de lui, il le sent, il le sait. Les secrets de cette grande civilisation disparue, il les consacrera sa vie entière. Les deux frères vivent désormais à Paris. Jean-François a 17 ans, il consacre tout son temps à l'Égypte ancienne. Il étudie sa religion, sa géographie. Pour se familiariser avec les hiéroglyphes, il copie des papyrus à la grande bibliothèque impériale. Il jubile ! Enfin, il s'attaque à la pierre de Rosette. Pour travailler, il dispose de deux copies, hélas, en bien mauvais état. Qu'importe, allez, ça fera l'affaire. Des heures durant, il observe les copies de la pierre. Ses yeux passent du grec ancien au hiéroglyphe, puis des hiéroglyphes au grec ancien, il compte chaque signe. Bon sang, que peuvent-ils bien signifier? Comment fonctionne cette écriture? Quelle est son origine? D'où vient-elle? Champollion travaille nuit et jour. Il oublie parfois de boire, de manger. Tantôt, son visage s'éclaire, car il croit tenir une piste. Tantôt, il sombre dans le désespoir. Parfois, il s'arrête, découragé. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Toujours, il recommence. Chaque semaine, il suit une nouvelle piste. Et si le chinois et les hiéroglyphes avaient un lien? Pour le vérifier, Champollion n'hésite pas, il apprend le chinois. Non, rien à voir. Les années passent, la pierre résiste. Le temps presse. Champollion n'est pas le seul à s'acharner sur la pierre de Rosette. À Londres, un certain Thomas Young espère lui aussi percer tous ses secrets. Damn, il fait de grandes avancées! Champollion ne se laisse pas abattre. Pas de panique, mon vieux, pas de panique. Voyons, voyons, qu'est-ce que je sais? D'autres avant lui ont tenté de déchiffrer les hiéroglyphes. Ils s'y sont cassés les dents, mais ils ont tout de même permis quelques avancées. Grâce à l'abbé Barthélemy, un savant des années 1750, on sait que les hiéroglyphes, entourés d'un cadre ovale, appelés cartouches, sont des noms de pharaons. Facilement repérable, c'est un excellent indice. Pour avancer, Champollion possède également une deuxième clé. Il connaît le copte sur le bout des doigts. Le copte est une langue égyptienne très ancienne, apparue juste après les hiéroglyphes. Il doit bien y avoir des ponts entre les deux. Champollion réfléchit, son cerveau bout, les idées fusent. Parce que les hiéroglyphes ressemblent à des petits dessins, nous sommes persuadés qu'ils représentent des idées. Mais s'ils représentaient également des sons, comme les lettres d'un alphabet? Des sons? Oh! Tiens, tiens, voilà qui est intéressant. Champollion se concentre sur ces trois pistes. Pour compléter ses recherches, il se fait envoyer des copies de cartouches de pharaons comme Ramsès, Cléopâtre ou Toutmès. Il les compare ensuite à ce qu'il trouve dans le texte de la pierre de Rosette. Petit à petit, le chemin s'éclaire. Champollion commence à repérer certains signes, certains sons. Il comprend que la main représente le T, le lion, le L, la bouche, le R. Enfin, dans un cartouche, il reconnaît les sons mess, puis ra. Champollion se met à lire. Mess, ra. Ra, mess. Ramasse? Et ramasser quoi? Mais non, bien sûr! Ramsès, le grand pharaon! Nous sommes en septembre 1822. Après 1600 ans de silence, les hiéroglyphes enfin se mettent à parler. Champollion a la tête qui tourne, son cœur bat, ses yeux brillent. Mais enfin, il le sait. C'est une chose d'arriver à déchiffrer quelques noms de pharaons. C'en est une autre de comprendre tout un système d'écriture. Sa méthode fonctionne-t-elle vraiment? Et s'il s'était trompé? Pour le savoir, il faudrait vérifier, comparer avec d'autres textes. Où trouve-t-on le plus de hiéroglyphes? Mais pardi, en Égypte! Hé, hey, minute papillon! D'autres aventures attendent notre Champollion. À Paris, en 1826, le Louvre ouvre un tout nouveau musée, le musée égyptien. Son premier directeur? Mais oui! C'est notre camarade! C'est un matin d'été, la lumière, chaude, vive, inonde le musée. Champollion se promène dans les salles de son département. Ah, mon vieux, tu as du pain sur la planche. C'est en effet la première fois que le public français va découvrir les statues, les amulettes et les sarcophages égyptiens. Alors, comment les présenter? Oh, je sais! Comme des légumes, des fruits, des poissons sur un marché? Non, peut-être pas. Mes objets sont des œuvres d'art. Et ils ne sont pas seulement beaux à regarder. Chacun raconte la civilisation égyptienne. Les visiteurs doivent découvrir et apprendre. Bon sang, tout ça est passionnant. Champollion se retrousse les manches. Allez, c'est parti. Alors, ça là... Il classe les objets de façon thématique. Ça là, ok, et ça là, ici, oui. Et voilà, ainsi, youpi! Le public apprendra les rites mortuaires, la religion, l'importance du fleuve Nil. Puis, il rédige un livret explicatif pour renseigner les visiteurs. Il invente le musée moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Champollion a 36 ans. De temps en temps, il ferme les yeux. Non, pas pour dormir. Il rêve. Il s'imagine descendre le Nil, dans une felouque poussée par un petit vent frais qui se glisse là, délicatement, entre les papyrus et les hippopotames. Le 18 août 1828, pour la première fois de sa vie, Champollion pose enfin le pied sur la terre égyptienne. Il est à la tête d'une grande expédition envoyée dans la vallée du Nil. Le soleil tape fort. Il fait parfois près de 50 degrés. Champollion se tue au travail. Dans chaque temple qu'il visite, à Karnak, à Abu Simbel, il observe les inscriptions, puis il les dessine pour ne pas en perdre une seule miette. Il étudie, il compare, il vérifie. Il est inquiet, excité, il frémit, son cœur bat. Bon sang, a-t-il vu juste avec son système? Après de longs mois de recherche, soudain, un étrange sourire apparaît sur son visage. Nous sommes en 1829. Champollion marche sur les bords du Nil. Sous les rayons du dieu soleil Ré, son visage brille comme une magnifique pomme d'or. À travers ses yeux noirs apparaissent des hiéroglyphes, des temples et mille autres merveilles. Des larmes coulent sur ses joues. Il le sait désormais. Oh oui, il en est absolument certain. Il a réussi. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Fanny Boyon, Basile Bocquer, les équipes du Musée du Louvre et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Les hiéroglyphes ne sont pas la seule écriture utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité. Conçus pour les inscriptions monumentales sur les temples et les tombes, ils ne sont pas très pratiques à utiliser dans la vie courante. Pour aller un peu plus vite, lorsqu'ils rédigent des textes sur des papyrus, par exemple, les scribes utilisent une autre écriture, simplifiée, qu'on appelle hiératique.